Chapitre 22. Papier d'identité. Au milieu de la pièce, maintenu par plusieurs agents, se trouvait Zerga Rachid Sakra Bey. Ses yeux noirs étincelaient dans son visage pâle. L'inspecteur Lepic s'avança vers lui et mit lourdement la main sur son épaule. « La doucette Jules, dit-il, au nom de la loi, je vous arrête. » Le mage le mesura d'un regard hautain. « À qui parlez-vous » demanda-t-il froidement. « Inutile de jouer la comédie plus longtemps. Vous êtes démasqué. » Pendant que les agents passaient des menottes aux bandits, le sergent qui accompagnait l'inspecteur Lepic tira un papier et lut. « La doucette Jules, née à Paris en 1891, arrêtée comme pickpocket à l'âge de 13 ans et envoyée au pénitencier pour enfants, arrêté une deuxième fois en 1912 pour nombreux vols et agressions nocturnes dans le quartier de Belleville, condamné à 5 ans de prison, évadé de la santé en 1913, arrêté en 1920 à la Foire de la Nation où il opérait des escroqueries et charlataneries comme chiromancien ambulant, réussit à s'évader en blessant 2 agents à coups de revolver, disparaît pour plusieurs années, reparaît à Paris en 1925 sous le nom de Fakir Rana et s'exhibe comme voyant et hypnotiseur dans nombre de music-halls. La police réussit à découvrir son identité à la suite de l'assassinat de la marquise de Vaulieu et de la disparition de ses bijoux. Mais avant qu'on ait pu l'arrêter, la doucette Rana disparaît avec sa complice, dite Lélia, qui lui sert de médium depuis 1 an. Il y a 1 semaine, il surgit à Paris où il se fait porter sur les registres de l'hôtel Lutetia sous le nom de M. Reilly, mais il est reconnu par l'écrivain anglais James Joy comme étant Zerga Rachid Sakra Bey, chef d'une bande de criminels opérant en Angleterre. À la suite d'une enquête, Madame Van Paassen, veuve de l'armateur hollandais Van Paassen, confirme que Reilly et Zerga ne font qu'un. Pico Pierre, chasseur à la maison de couture Molineux, reconnaît en Reilly Zerga le fakir Rana qu'il a vu au casino de Bécon-les-Bruyères. La doucette Jules, dit Reilly, dit fakir Rana, dit Zerga Rachid Sakra Bey, est accusé de l'assassinat de la marquise de Vaulieu à Paris et du vol de ses bijoux, de l'assassinat de Miss Marianne Lake à Guildford et du vol de son collier de perles, de l'assassinat de Miss Sarah Smith et de Miss Esther Bell à Londres, de l'enlèvement de M. Phineas Wentworth, industriel, et du comte Di Mirandello, de l'enlèvement du chef constable de Guildford, Jonathan Smith, et de son épouse, et de nombreux autres vols et méfaits. « Vous avouez la doucette ?» demanda l'inspecteur Lepic. Le mage garda un silence hautain. « C'est bon, vous parlerez plus tard. Sergent, nommez les autres personnes présentes. » Viti Thomas, ancien acteur, poursuivi par la police anglaise pour complicité dans l'affaire de l'enlèvement des collectionneurs à Londres sous le déguisement de Miss Sarah Smith et du journaliste Jacobs. Viti Jane, sa femme, accusée de complicité dans la même affaire sous le déguisement de femme de chambre de Miss Sarah Smith. Grandin André, ancien pilote d'aviation, et Pochard Ernest, ancien professeur de boxe, accusé de complicité dans l'affaire de l'enlèvement de l'écrivain anglais Joy, de l'épouse du chef constable Smith et d'une femme inconnue, dite Maya, sous le déguisement de 2 agents de police. Les accusés n'opposèrent aucune résistance aux policiers qui leur passaient les menottes. Toutes les portes étaient gardées et il y avait 3 douzaines d'agents dans la maison. « Parmi les assistants, déclara l'inspecteur Lepic, doivent se trouver M. Phineas Wentworth et le comte Di Mirandello. Messieurs, vous êtes libres. » L'Italien et l'Américain s'avancèrent rayonnants. « Sir Patrick Hornsby !» Le propriétaire du White Manor restait pâle et muet. « Sir Patrick, veuillez vous tenir à la disposition de mon collègue, l'inspecteur Leeds de Scotland Yard, qui désire vous dire quelques mots en particulier. » Le sergent reprit l'énoncé. « Carol Jamerescu, dit professeur Carl Wilhelm von Jamertal, fils du violoniste roumain Jamerescu et de Milka Xepuskefaska, polonaise, chanteur de café-concert, né à Revnice, Tchécoslovaquie en 1866. Pendant la guerre de 1914-1918, arrêté en France comme espion allemand, évadé, arrêté en Allemagne comme espion anglais, évadé, poursuivi en Angleterre comme espion autrichien, évadé, rentré en Roumanie, arrêté en 1924 à Bucarest pour propagande contre le gouvernement et organisation de pogroms, acquitté par le tribunal roumain, surgit en 1930 en Allemagne, à la tête d'un groupe hitlérien sous le nom de Karl Wilhelm von Jammertal, s'occupe des finances du parti, en contact étroit avec Ladoucette Jules d'Iserga, accusé d'espionnage pour différents pays pendant la guerre et de complicité dans les vols et enlèvements perpétrés par Zerga. « Enfin, je vous tiens, Jammeresco, » dit l'inspecteur Lepic avec un sourire. « Il y a quelque temps déjà que je vous cherche. Vous m'avez joué en 1917 un petit tour au sujet duquel le tribunal vous interrogera encore. » Le sergent reprit la liste. Jonathan Smith, chef constable de Guildford, enlevé le 19 mars par la bande de Ladoucette. L'inspecteur Leeds s'avança, la main tendue. « Mon cher confrère, je regrette tout particulièrement que vous vous soyez trouvé mêlé à cette affaire dans des circonstances si pénibles. La vie a des hasards. » « La vie, dit Jonathan Smith, est une suite de dérèglements que la loi fait rentrer dans l'ordre. » Madame May Smith, née May Quaker. Un cri perçant retentit. « C'est moi !» Et Maya, blanche comme un linceul, les mains étendues, s'avança en chancelant. « May Quaker, c'est mon nom, c'est moi, c'est moi, c'est moi !» May Smith, défaillante, s'appuya contre le mur. « Cette pauvre femme est folle !» dit-elle d'une voix tremblante. Jonathan Smith, écarlate, vociféra. « Quelle est cette démence criminelle ? May Quaker est mon épouse, sur les registres du bureau d'état civil de la ville de Guildford. » Jim lui coupa la parole. « Je crains en effet, dit-il d'une voix sans timbre, que cette pauvre enfant n'ait perdu la raison. Elle est la proie innocente de Zerga, qui l'a hypnotisée pour ses fins diaboliques et qui lui a suggéré à différentes reprises des personnalités qu'elle a dû incarner. Elle a été la complice involontaire de l'assassinat de Miss Sarah Smith sous le déguisement de son infirmière. Elle a contribué à l'enlèvement de Monsieur Wentworth sous le masque de Miss Edith Fairfax. » Wentworth poussa une exclamation inarticulée. Et au vol de la collection de tableaux du comte di Mirandello sous celui de la contessina Bianca di Mirandello. « Santa Madonna !» murmura Mirandello. Ce charlatan terrible a dû finir par lui suggérer, dans un but infernal, qu'elle aimait Quaker. Maya tourna vers Jim, son visage blême. « Jim, oh Jim, croyez-moi, je ne suis pas folle. Enfin, enfin, je me souviens de mon nom. Je suis May Quaker, c'est moi, c'est moi !» Fred Blake, qui se tenait derrière l'inspecteur Leeds, s'avança tout à coup. « Il y a un moyen d'identifier cette jeune fille, » déclara-t-il d'une voix ferme. « J'avais complètement oublié de vous en faire part d'abord, inspecteur. Il me revient à la mémoire à l'instant. Quand Zerga est arrivée au Bourget, par le Golden Ray avec elle et ses deux complices, et alors je les filais, elle s'est tout à coup arrêtée à la sortie de l'aérodrome, devant une jeune femme très élégante, qui parlait à plusieurs autres personnes. Il lui a crié « Maud Peel !» La jeune femme s'est retournée et s'est avancée vers elle, mais les bandits l'ont entraînée et j'ai dû les suivre. Il faut retrouver cette Maud Peel. « Peel ?» répéta l'inspecteur Lepic. « Vous êtes sûr que c'est bien ce nom-là ? » ?»« Absolument sûr. Dans ce cas, il s'agit de la fille de l'ambassadeur des États-Unis. Ce jour-là, au Bourget, elle attendait son père, qui devait revenir de Londres. « Mademoiselle ?» et il se tourna vers Maya. « Vous connaissez Miss Peel ?» Maya fixa sur lui un regard absolument lucide. « Maud Peel est mon amie de collège. »« Son père est ambassadeur ?»« Ambassadeur ? Non, il est banquier, directeur de la Bank of USA. » C'est le poste qu'occupait M. Reginald Peel il y a 4 ans, avant sa nomination à l'ambassade. Et l'inspecteur Lepic s'approcha d'un grand bureau sur lequel se trouvait un appareil téléphonique. « Passy 8615. Allô, ici l'inspecteur Lepic, de la Sûreté. Pourrais-je parler à monsieur l'ambassadeur ? Il déjeune. Je regrette de devoir le déranger, mais l'affaire est extrêmement urgente. La sûreté, oui, j'attends. » Un silence de mort régnait dans la grande pièce. Tous les assistants retenaient leur souffle. « Allô, monsieur l'ambassadeur, veuillez m'excuser de vous importuner, mais il s'agit d'une question très grave. L'identification d'une personne mêlée à une affaire criminelle importante. Cette personne se dit l'ami de collège de mademoiselle votre fille et dit l'avoir aperçue le 10 mars sur l'aérodrome du Bourget à l'arrivée de Golden Ray. Comment ? Miss Peel vous en a parlé ? Elle a cru, elle aussi, reconnaître son ami sous le voile qui la cachait ? Quel est le nom de cet ami ? Meg Walker. Monsieur l'ambassadeur, il est absolument nécessaire de procéder à une identification totale. Une confrontation urgente est indispensable. Miss Smith pourrait-elle... » Tenez-la ! Cria tout à coup Fred. Tenez-la ! Elle va s'échapper ! Pendant l'entretien téléphonique, Miss Smith avait imperceptiblement reculé jusqu'à toucher l'angle du mur. Défaillante, elle s'y était appuyée. Une porte secrète s'était ouverte et se refermait déjà. Miss Smith aurait disparu si Fred, en deux bonds, ne l'avait rejointe et retenue par un pan de sa robe. Un coup de feu partit. Avec une exclamation de douleur, Fred, blessé au bras, lâcha la robe. Rapide comme l'éclair, elle disparut dans un escalier menant au sous-sol. Mais une dizaine d'agents s'étaient lancés à sa suite. Sur le seuil de la porte secrète, le premier, atteint par un nouveau coup de revolver, s'écroula sur le sol. L'avalanche d'agents, mise en furie, se rua dans l'escalier. Coup sur coup, elle déchargea son revolver à 4 reprises. Mais en vain. 3 minutes après, elle se trouvait au milieu de la pièce, encadrée de policiers, les menottes aux mains. Anéantie, blême, hagard, Jonathan Smith leva les bras au ciel. La femme légitime d'un chef constable de la police de Sa Majesté, et il s'effondra.